De l'oxygène, aucune place pour la veine. Les gladiateurs sont perpétuellement lâchés dans l'arène. Personne se gêne pour frapper sans retenue. Contenu bien entendu que le plus fort est celui qui tue. Livré au système sans autre choix que le combat. Malgré les rêves brisés, certains persévèrent et gardent la foi. Par contre, d'autres frères désespèrent. Ils ont étudié tant d'années et côtoient à nouveau la misère. Trop de décrochage en bas âge, le taf manque au paysage. Les étudiants perdent espoir, mauvais présage, mirage. Quand chacun vague à ses occupations, la pression demeure constante malgré toutes les bonnes intentions. J'écris donc je pense donc j'avance. Je suis le seul à l'attaque, maître de la défense. Les médias retransmettent tant de données dans le désordre. Mieux vaut lire entre les lignes et ne pas suivre la horde. Ordinaire comme des parents aiment leur fils. Comme les taxes augmentent chaque année et comme diminuent les services. Vision pessimiste d'un avenir matériel où les erreurs antérieures laissent malheureusement de graves séquelles. La vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins. La vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins. Je regarde ma boule de cristal, nada. Je frotte mais je vois rien, nada. Beaucoup connaissent pas leur présent, leur parle pas du futur, les gars. S'use le froc en vrac, scotché sur un muret. Ça troque du hache pour du cash en rêvant d'un avenir sans mur en muré. L'honneur va s'en sortir, mais ce sera duré. On prend l'argent sur où on peut en espérant que ça va durer. Pas question d'endurer les injures, les jeunes jurent devant juré. T'inquiète, mon avenir je l'assure, moi c'est juré. À coup de sueur, de malheur, à coup de cœur, de pleurs lâchés. D'accord, je cracherai, mais sortirai tout ça de mes poches. C'est moche, les poivrons le cherchent au boulot ou au bistrot. Comme quoi l'espoir ça mène très bas ou très haut. À toi de voir Mino, poste à miser. Fais ton choix, la foi ou la croix. Lâche prise si t'as les foies, y'a des sans-lois. Face à toi, croise tes doigts autour, c'est la merde. Soit l'avenir est juste après, vis juste. Et si la poisse te sort les dents, fais-lui péter. Sois ce que tu veux, pas ce qu'ils veulent que tu sois. Sinon qu'est-ce que tu feras quand ils te laisseront tomber. T'auras plus de toi et l'air de quoi. Pas de leçon, y'a trop de pêcheurs à l'horizon. Surtout mords pas à l'hameçon ou t'es mort. Ton avenir c'est toi garçon. La vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins. Ouais, la vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins. Que dire de l'avenir, si le pire est à venir. Faut-il fuir, s'endurcir ou garder le sourire. Autant d'opinions que d'avenir sans solution. Avec un point d'interrogation en suspension. Seuls au monde, les plus malheureux succombent. Avec leurs péchés, leurs dettes qui sur leur tête leur tombent. Chaque minute, chaque seconde compte. Vers l'an 2000 en fin de compte, faisons le décompte. Jalousie et discrimination, tissés de friction, font que nous évoluons à reculons. Les plus démunis par d'illusion en pâtiront. Percés par des nouveaux promettons, traités comme des moutons. Marche ou crève, la crainte de la débâcle sur toutes les lèvres. La hantise de la crise fait monter la fièvre. Ce qui a été n'est plus, c'est là qu'on réalise que sur un siège éjectable, on a tous posé notre cul. La vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins. Ouais, la vie est un combat, j'enfile mes gants chaque matin. Je construis mes lendemains à coups de poing. J'évite les surins, je reste malin. Je sais que je dois gagner mon pain. C'est pas l'histoire sans fin. Rien n'est vain, mes jours seront sereins.